Le spectacle d'ensemble de chants et de danse de la chorale d'État émérite, de la troupe de musique Moranbong et de la troupe artistique Wang Jiesan se déroule en grande pompe à la ville de Xinzhou, province du Pyongan du Nord. Le théâtre artistique de la province du Pyongan du Nord est toujours archi-comble des travailleurs des importantes usines et entreprises, des agriculteurs des fermes coopératives, des intellectuels, des jeunes étudiants, ainsi que des cadres de la province. Les spectateurs ont affirmé que la direction du Parti du Travail de Corée a permis le grand changement de la province et que les travailleurs de la province se sont déterminés à suivre invariablement le parti. Ensuite, ils ont exprimé leur détermination de se mettre à la tête de l'application des recommandations des grands leaders tout en sauvegardant la politique du parti pour ainsi achever les tâches précisées par le 7e congrès du Parti du Travail de Corée.